Je me suis perdue, très très loin dans mon cœur, c'est grand. Je me suis perdue si profondément que je ne percevais plus que la petite lumière rouge. Elle était partout, dans tous les coins de mon cœur, même dans les endroits les plus sombres. Il y avait la petite lumière rouge. Quand je m'approchais, elle reculait, et quand je reculais, elle s'approchait. Et un jour, elle s'est laissée approcher, et j'ai vu ton visage.